Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par les coursiers haletants, faisant jaillir des étincelles en galopant, qui attaquent au petit jour et font voler la poussière sous leurs sabots, puis percent au milieu des rangs ennemis. L'homme est en vérité bien ingrat envers son Seigneur. Il en est d'ailleurs lui-même témoin. Et certes, il porte au bien terrestre un amour très intense. Ne sait-il donc pas que lorsque sera dispersé ce qu'il y a dans les tombes, et que sera révélé ce que cachent les cœurs, ce jour-là, leur Seigneur sera à leur sujet parfaitement informé.